pizza, baby! Ton ventre s'arrondit, t'es plutôt à fleur de peau. Je crois que je viens comprendre, c'est le plus beau des cadeaux. Quand tu m'as regardé avec ton sourire de mineux, je t'ai serré très fort, des larmes plein les yeux. Ça fait bizarre, notre vie va basculer. Putain, je vais être papa, j'ai envie de crier. Comme ça, bienvenue, wow.